M'en fous de carrément tous blessés. Cherche pas la gloire, je la fête pas non plus. Il reste que les vrais carrément tous laissés. Rares sont ceux qui en moi ont cru. Oui, j'ai eu l'envie de tout laisser. Oui, j'ai trop fumé quand j'ai trop stressé. Pour que tu me rendes mes sous, je t'ai jamais pressé. Je t'aimais beaucoup, je savais pas qu'au fond tu me détestais. Viens me voir quand tu seras ivre, si tu veux. Quand les choses seront plus faciles à dire, si tu veux. Viens pas me voir quand je serai plus là. Mon photo, si bien la lampe comme un homme, mais celui-là. Mon photo, j'en ai marre, moi, de ces gens qui mentent. Ouais, laissez-moi seul avec mes bâtiments. Aïe, aïe, aïe, aïe, yeah, yeah. Je suis pas un fou, je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'sais garder mon cœur, j'me dis que le bon Dieu voit tout. Ça a rien de jouer, je sache que je sais tout. Je suis pas un fou, je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'sais garder mon cœur, j'me dis que le bon Dieu voit tout. Ça a rien de jouer, je sache que je sais tout. Tout le monde, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Dis-le-moi si des fois je pars en couille. Si les dangers te montrent que je suis faible. Dis-moi si entre nous y a-t-il embrouille. Ou si seulement vous faites les fiers. Des fois je coule en boire des bières. Alors que le jour d'hier était vraiment cool. Pour espérer vivre bien je fais des prières. Tu te la pètes, fais gaffe à toi si le vent tourne. Plein de soucis. Je m'ennuie. Je suis pas un fou. Je suis comme tout le monde. J'ai des défauts, des atouts. J'ai gardé mon cœur. Je me dis que le bon Dieu voit tout. Ça a rien de jouer. Je sache que je sais tout. Je suis pas un fou. Je suis comme tout le monde. J'ai des défauts, des atouts. Ça a rien de jouer. Je sache que je sais tout. Ça va aller, gros. Ça va aller, ça va aller, gros. Ça va aller, ça va aller. Je suis pas fou, je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'sais garder mon cœur, j'me dis que le bon Dieu voit tout. Sert à rien de jouer, je sache que je sais tout. Je suis pas fou, je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'sais garder mon cœur, j'me dis que le bon Dieu voit tout. Ça sert à rien de jouer, je sache que je sais tout. La prochaine, celle-là, c'est un tout premier pour ma maman et pour toutes les mamans qu'il y a ce soir, toutes les mamans qu'il y a dans la team, pour tous ceux qui ont perdu une maman ou un papa, qui reposent en paix. Et grosse force à tous et gros bisous à ma maman que j'aime.